Quand j'ai tort, toi ta gueule, c'est comme ça, c'est tout. Je viens tout casser tout, je raterai l'occasion de vous gazer tous. Les gars, prenez des cours, j'avance avec tout sans vous. Ça c'est pour mes gars, c'est pour les vrais, le reste on s'en fout. Deux ou trois caïds, leur équipe est tellement petite. MDR, ouais, dédicace à D-Wanted. Cousin de ma son, Zerma ça parle à comme. Ça fait deux jours qu'il rappe, ce qu'on nous prépare un album. Trop gaze, ceux qui jouent les prosthèses. Tellement naturel au mic, j'peux lâcher des grosses caisses. Donc sans tiède, sans gêne, j'enchaîne, sans blême. Je dépasse par centaines, moi je kick avec ou sans thème. Ça fait des années qu'on est hal, dans toutes les phases qu'on déballe. Vas-y bam et paf, on se bave jusqu'à ce que tu repartes en épave. Normal que ça fasse effet, c'est comme ça que mon nom s'est fait. C'est vrai, maté mon CV. Au pire des cas, mets un minimum de flow. Fais des wesh wesh ou je sais pas quoi, blind ni t'es chaud. Au pire des cas, mets un minimum de flow. Fais des wesh wesh ou je sais pas quoi, blind ni t'es chaud. Des phases mortelles, des soirées comme avec le quartel. Du skycock dans une taille d'eau et d'ego en porte-jartel. Tu veux du rap qui sonne fat et claque, des grosses caisses qui craquent, mec à l'ancienne et des kicks crades. Et ouais, tu veux du hip-hop, du HH old school. La vibe et du flow qui coule, t'inquiète, j'entends les hauts secours. Tu veux kiffer, tu peux, en l'occurrence c'est SXMC en place bien avant la concurrence. J'viens pas de chez toi, j'viens de chez moi, là où les sons sortent en masse. Où j'passe mon temps à faire péter les basses dehors. J'aime recaler les tasses, taper des barres, rentrer tard. Ou aller là où la folie débarque. Tu veux que ça pense? Je veux que ça dance. Que mon son soit sur les ondes et fasse le tour de France comme Lens. Vite putain j'ai pas le temps. Si les comptes approchent des caletans, et fais tourner mes tracks si t'es partant. Au pire des cas, mets un minimum de flow. Fais des wesh wesh ou je sais pas quoi, blind ni t'es chaud. Mets un minimum de flow. Mets un minimum de flow. Mets un minimum de flow. Au pire des cas, mets un minimum de flow. Fais des wesh wesh ou je sais pas quoi, blind ni t'es chaud. Mets un minimum.